chasseur de détails, dis-moi ce que t'attends d'un pauvre trentenaire qui déraille. Mais quand je suis rasé, oui, je ressemble à un écolier qui tourne d'embrasser à la sortie du lycée. Tu dis toi-même qu'on se ressemble. Quand tu as froid, c'est moi qui tremble. Comme les doigts de la main, ça c'est un programme qui peut faire le veto le matin. Oh, tout caché, saccagé, tout comme les chiffonniers, ça c'est un scénario que j'ai déjà vu. De Tolstoï où tout est géant, il faudra t'y faire. Oui, ça surprend toujours lorsqu'un amour si sincère te tombe dessus un beau matin. Tu dis toi-même qu'on se ressemble. Comme les doigts de la main, ça c'est un programme.